إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours 23 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le charh du Cheikh Zayd al-Madkhali, hafizahullah. Et il est toujours le Cheikh à l'hôpital en ce moment. Que Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse et lui donne un prompt rétablissement, ainsi que à tous les musulmans, il y en a qui sont malades. Et en même temps, bon, peut-être que certains d'entre vous, je n'ai pas vu pour l'Aïd. Donc, Aïd Mubarak, wa taqabbal Allah minna wa minkum. Et donc, alhamdulillah, on reprend maintenant à partir de l'endroit où on avait laissé la dernière fois. Et on est en train d'expliquer qu'est-ce que c'est la religion de l'islam de façon résumée. Parce qu'on a expliqué que les trois fondements, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb, puis ensuite de connaître sa religion. Donc, qu'est-ce que c'est sa religion? On a donné quelques explications générales, et là le cheikh clarifie certains points qui ont rapport avec la compréhension de l'islam. Et il mentionnait par exemple les différents groupes et les différentes jama'at et les groupes de hizbiyya. Et c'est très important, et on remercie le cheikh d'avoir parlé de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que c'est très important pour avoir une bonne compréhension de l'islam à notre époque que de connaître les tendances des différents groupes de hizbiyya qui existent à notre époque. Du fait que quelqu'un peut avoir la connaissance du Coran et être hafiz Coran et avoir connaissance des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avoir une compréhension générale de beaucoup de choses dans les principes de l'islam par rapport au fiqh, par rapport au tafsir, par rapport à beaucoup d'autres sciences, mais si la personne n'a pas une aqidah qui est propre et claire, qui correspond à la aqidah des salaf al-salih, et s'il n'a pas non plus une méthodologie, c'est-à-dire un manhaj qui est clair, en accord à la méthodologie de nos pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, eh bien, toute sa connaissance de l'islam ne sera pas droite. Hein, et il ne va pas profiter de sa science de la façon correcte. Parce que les bases sur lesquelles il a établi cette science sont des bases qui sont erronées et en contradiction avec la compréhension des premiers musulmans, des pieux prédécesseurs, comme on les appelle en français, les sahaba, les tabi'in et ceux qui les ont suivis. Et comme j'ai déjà mentionné, c'est que le manhaj des salaf, la méthodologie des salaf al-salih, c'est pas quelque chose qui est caché, c'est pas quelque chose qui est mystérieux, c'est pas quelque chose que on doit essayer de deviner, c'est pas quelque chose qui a pas été clarifié, au contraire. Les ulama de l'islam, depuis l'époque justement des sahabes jusqu'à notre époque, ils ont préservé pour nous cette religion. Pas seulement le Coran et la Sunna, même les paroles des sahabas, les paroles des tabi'in, les paroles des tabi'in, toutes les informations qui sont nécessaires pour connaître l'islam comme il faut et comprendre l'islam comme il faut, tout ça, ça a été préservé, alhamdoulilah. Et on a les livres de la Sunna qui sont là présents jusqu'à aujourd'hui, pour nous expliquer justement qu'est-ce que c'était le manhaj des salaf al-salih. Hein? Par exemple, le livre de la Sunna de l'imam Ahmad ibn Hanbal, sa aqida et son manhaj, il a mis tout ça par, hein, par écrit, tout ça est encore présent avec nous. Ar-Radd 'ala al-Jahmiyya wa al-Mu'tazila, un autre livre de l'imam Ahmad ibn Hanbal qui clarifie la aqida et le manhaj des salaf al-salih. Le fils de l'imam Ahmad, il a écrit un livre aussi qui s'appelle As-Sunnah du fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, un des compagnons de l'imam Ahmad, hein, qui s'appelait Al-Khalal, un de ses élèves. Il a un livre aussi qui s'appelle As-Sunnah, dans lequel il clarifie les positions d'Ahl Sunnah wal-Jama'ah dans l'Aqidah et dans le Manhaj, et la position envers les gens de Bid'ah. Le livre de l'imam Ibn Abi Asim, qui s'intitule aussi As-Sunnah, qui clarifie les fondements de la, et les principes d'Ahl Sunnah wal-Jama'ah, ainsi que leur Manhaj. Un autre livre qui s'appelle Sharh As-Sunnah, de l'imam Al-Barbahari, qui est aussi un des ulama qui a étudié avec les élèves de l'imam Ahmad ibn Hanbal, hein, et qui clarifie la position d'Ahl Sunnati wal Jama'a dans le manhaj et dans l'aqidah, et la position envers les innovateurs et les sectes et les gens de bid'a, et ainsi de suite. Le livre de l'imam Al-Ajurri, qui s'appelle Al-Sharia, qui clarifie la position des ulama d'Ahl Sunnah par rapport à toutes ces questions-là. Le livre Usul i'tiqad Ahl Sunnati wal Jama'a, de l'imam Al-Lalaka'i, qui réunit et qui rassemble toutes les paroles qui ont été mentionnées par les salaf al-salih à propos des différentes questions de manhaj et de aqidah, et c'est dans plusieurs volumes. Et ça, c'est un autre livre parmi les livres de référence des ulama de l'islam par rapport à la position des salaf dans ces questions-là. Un autre livre également, Al-Ibana, de l'imam Ibn Battah, hein, et qui clarifie et explique également la position des salaf al-salih par rapport au manhaj et par rapport à la aqidah, hein. Et je pourrais continuer comme ça, il y en a jusqu'à plus que des centaines et des centaines de livres comme ça qui expliquent et qui clarifient la position des ulama des salaf et de leur aqidah. Par exemple, aqidat al-salaf ou ashab al-hadith de l'imam al-Sabuni, hein, qui était mort en l'an, si je ne me trompe pas, 444. Hein? Donc c'est pour dire, tous ces ulama-là, ils ont écrit et mis par écrit les principes et les fondements et les croyances et les positions dans le manhaj des salafs. Et ils ont expliqué ces choses-là. Parce qu'à notre époque, qu'est-ce qui se passe de la part de certaines personnes ou de certains groupes? Quand ils parlent des salafs, il parle des salafs et il cite uniquement des positions des salafs qui ont rapport avec Az-Zuhd, ou bien Al-Wara, ou des questions qui ont rapport avec le fait de se détacher de la dunya et de ne pas donner d'importance à ces choses-là, et de donner plus d'importance à l'au-delà, à l'akhira, et le fait de ne pas s'attacher au plaisir de la dunya et aux belles choses et aux choses de ce genre. Et il pense que la voix des salafs, ça se limite uniquement à ces choses-là. Or, les salafs ont clarifié et expliqué les fondements de la aqidah et du manhaj, et ça, c'est les choses les plus importantes. Ça passe avant Az-Zuhd, ça passe avant Al-Wara et ses autres questions et ses autres aspects, hein, de la religion. Mais ces gens-là ont mis ça de côté pour pouvoir se justifier et de se permettre de suivre toutes sortes d'autres innovations, toutes sortes d'autres tendances qu'ils ont dans la croyance ou dans la pratique. Et ils suivent, par la suite, ils vont se permettre de suivre la bid'a des Khawarij, la bid'a des Shi'a, Rafida, la bid'a des Soufiyya, des différentes sectes, Soufiyya, Qadiriyya, Shaziliyya, Tijaniyya, Chistiyya, Boutchichiyya, Tijaniyya, Saharwardiyya, il y en a encore, je peux en énumérer toutes les différentes turqs. Parmi les turqs de bid'a des soufis, hein, toutes ces voies-là ont opposé et contredit les gens d'Ahl Sunnati wal Jama'a dans l'adoration, dans la croyance, dans la pratique, hein, et ils ont ramené dans la religion d'Allah des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais enseigné et que les sahaba n'ont jamais entendu et qu'ils n'ont jamais pratiqué non plus. D'accord? Et donc, on voit à notre époque des groupes et des individus qui essaient de ramener les musulmans à l'islam sous le couvert de la politique ou sous le couvert de l'adoration ou de différentes tendances, et ils appellent les musulmans uniquement à s'unir sur des bases générales de l'islam. hein, sans ramener les gens à comprendre les fondements et les principes de base de la religion. Et donc, on a vu apparaître ces gens-là maintenant à notre époque, avec des groupes comme les Frères musulmans et d'autres également, Hizb al-Tahrir, et des groupes de djihad, hein, Takfir al-Jihad, et d'autres qui se prétendent même parfois salafis, hein, ou bien des groupes comme Al-Qaïda qui prétend vouloir ramener les musulmans à l'islam par le djihad ou des choses comme ça. Tout ça, c'est des exemples de groupes et de tendances qui ont dévié dans la voie, de la voie des salafs, soit dans la croyance, soit dans la méthodologie, ou soit dans les deux ensemble, et des fois aussi parfois dans l'adoration et dans la pratique, sans oublier également des groupes comme Jama'at al-Tablir, hein, qui ont des égarements semblables. Et yani, ces groupes-là, un des dangers de ces groupes, c'est que ils, yani, contrairement aux sectes qui étaient dans le passé, qui avaient une bid'a bien particulière puis qui se limitaient à cette bid'a en particulier, les groupes contemporains réunissent toutes ces sectes ensemble sous un seul couvert, et elles disent aux musulmans: laissez, yani, ne vous disputez pas ou ne parlez pas des différences que vous avez entre vous. Laissez chaque musulman sur la croyance qu'il veut être ou qu'il veut suivre. Si quelqu'un veut être soufi, laissez-le être soufi. Si quelqu'un veut être chiite, laissez-le être chiite. S'il veut être mu'tazili, laissez-le être mu'tazili. S'il veut être yani, naqshbandi, laissez-le être naqshbandi. Mais on travaille tous ensemble dans un objectif, soi-disant, d'arriver à établir un État islamique, comme ils disent, puis ces autres questions-là, on les laisse de côté. Qu'est-ce qui nous divise? On le met de côté. Et qu'est-ce qui nous unit? Nos objectifs, nos buts, on utilise ça pour s'unir, puis on se met dessus. Donc, ils laissent en même temps donc, toutes les déviations et les égarements et les bid'ah, ils n'en parlent pas. Et ça, ça crée toute une fitna. Et il y a beaucoup de ces fitnas-là qui sont présentes ici à Montréal, mais sinon il y en a également dans tous les pays musulmans à notre époque, et c'est, alhamdoulilah, grâce à des ulamas comme Cheikh Zayd et d'autres parmi les ulamas de la sunna qui nous aident à voir clair dans ces confusions-là et à comprendre la bonne façon à adopter pour être sauvé de ces passions et de ces déviations-là à notre époque. Donc, à la fin, Inch'Allah, à la fin du cours, je vais en profiter pour clarifier certaines choses qui sont en train de se passer ici à Montréal, yani, vis-à-vis de certains individus. Donc, je suis obligé d'en parler. Donc, Inch'Allah, je vais essayer de faire une note à la fin pour clarifier certaines choses. Donc, le chef, il parle maintenant il dit, pour revenir où on était à la dernière fois, il dit: وهكذا تتابع أنصار الإسلام بالدعوة إليه وشرح محاسنه وفضائله وبيانه للناس في كل زمان ومكان في كل زمان وفي كل مكان. وفي عصرنا هذا نحمد الله تبارك وتعالى أن في العالم الإسلامي رجالا صالحين مخلصين يدعون إلى منهج السلف غير سالكين مسلك الحركيين الحزبيين في دعوتهم ذات التظاهرات والمسيرات والاغتيالات والتنظيمات السرية. Donc la dernière fois qu'on a laissé, on s'est arrêté à cet endroit-là où le cheikh disait qu'il y a toujours eu des hommes qui se sont suivis pour défendre l'islam et pour appeler à l'islam et pour clarifier aux gens les beaux aspects et les mérites de cette religion, et à toute époque et en tout lieu. Et à notre époque, le cheikh il dit, et à notre époque, on a vu, alhamdoulilah, dans le monde musulman, des hommes sincères qui appellent à la voie des salaf al-salih et à la compréhension des salaf al-salih, et qui ne suivent pas la voie des harakiyin, les gens qui suivent les différents mouvements, ou les hizbiyin, les gens qui suivent les différents partis islamiques et les différentes tendances. Zat al-tazahurat, ceux qui se basent sur le fait de faire des manifestations. Hein, comme qu'est-ce qu'on a vu apparaître dans les pays arabes, et dans les pays non arabes aussi, au Pakistan, hein, beaucoup de manifestations, des gens qui sortent dans la rue, al-irtiyalat, les attentats terroristes, hein, que des gens, hein, dans un endroit, dans la ville, où il y a plein de gens qui passent, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, ils mettent une bombe, et là, au nom de l'islam, au nom du djihad, ils font sauter ça, et ça tue plein de gens, des hommes, des enfants, des femmes, des vieillards, des innocents, toutes sortes de monde qui sont tués au nom de qu'est-ce qu'ils prétendent être, le djihad ou l'islam. Et il n'y a pas de doute que de faire ça, c'est un crime contre l'islam et contre yani, les musulmans. Et même si c'est fait dans des pays non musulmans, si ce sont des non-musulmans avec qui les musulmans ont actuellement contracté des ententes de paix internationales, eh bien, il est obligatoire aux musulmans de respecter ces ententes-là. Et donc, si des musulmans commettent ce genre d'attentats dans les pays non-musulmans, eh bien, c'est considéré ça aussi comme un crime contre l'islam. Parce qu'ils donnent à l'islam et aux musulmans une mauvaise image par la suite. Et ça, c'est quelque chose qui va aider les kuffars dans leur haine et dans leur combat contre l'islam. Parce qu'ils vont, être encouragés à dire que ces gens-là sont des gens qui sont mauvais et l'islam, c'est une religion qui incite à ce genre de choses-là. Hein? Et donc, à cause de ces actes-là, l'islam est inculpé injustement et attaqué et critiqué injustement et est traité de toutes sortes de choses. Maintenant, si un musulman marche dans la rue, hein, dans les pays de Kufr, et même parfois dans les pays musulmans, avec sa barbe et son qamis, hein, et une femme avec son djilbab, avec le niqab, automatiquement, ils l'ont déjà jugé comme étant un terroriste ou comme étant quelqu'un qui est dangereux. Et ils se méfient de cette personne alors qu'ils ne la connaissent même pas, alors qu'ils ne savent rien de sa religion, mais c'est juste à cause des propagandes, qu'est-ce qui est dit dans les médias ou qu'est-ce qu'on raconte sur les musulmans, et à cause de ces groupes d'égarements parmi les groupes des khawarij et des extrémistes qui se permettent de faire ces choses-là au nom de l'islam et qui justifient ce genre d'action-là. Donc ça, c'est important pour les musulmans de se désavouer de ça et de clarifier aux musulmans et aux non-musulmans que ces choses-là n'ont rien à voir avec l'islam. Donc, il y a aussi, qu'est-ce que le cheikh a mentionné, les organisations secrètes. Il y a des groupes islamistes ou même non-islamistes qui se font des groupes, mais dont les gens, lorsqu'ils rentrent dans ces groupes-là, c'est des groupes qui sont secrets. Ils n'appellent pas tout le monde à rentrer dans leur groupe. Ils appellent des gens, mais des gens ciblés, des gens spécifiques. Ils les appellent à rentrer dans le groupe avec eux. Et ils se donnent des, qu'est-ce qu'on appelle des bay'ah, comme un serment d'allégeance, parce qu'ils ont choisi un amir entre eux, un chef entre eux pour leur groupe, et ils appellent tout le monde à lui donner la bay'ah, comme si c'était un khalifa ou un dirigeant. Hein? Et donc ils appellent par la suite ces gens-là à l'écouter et à l'obéir dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il veut. Et ces gens-là ont contredit la sunna en agissant ainsi, bien entendu, parce qu'ils divisent la umma et ils divisent les musulmans. Et c'est pas permis, bien entendu, lorsque les musulmans sont dans un pays musulman, hein, ils ont un dirigeant, c'est pas permis pour quelqu'un de venir puis d'appeler les autres à lui donner une bay'ah et à demander aux gens de lui donner l'allégeance. La bay'ah dans un pays musulman est uniquement permise aux dirigeants seuls. Hein. Et la même chose pour les soufis, parce que les soufis aussi demandent des bay'ahs, des allégeances à leur tariqa. Et ça aussi, ça fait partie des innovations et des bid'ahs. Hein? La bay'ah, c'est juste pour le dirigeant des musulmans ou le chef d'un pays musulman. Ensuite, le cheikh il explique maintenant, il y a une note de bas de page, il mentionne les paroles de cheikh Abdelaziz ibn Baz, hein, en note de bas de page qui clarifie un peu par rapport à ces choses-là. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit: فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق والأسلوب السيء العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله وإثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات. Donc le cheikh Ibn Baz il dit que la méthode bonne et d'utiliser la bonté, c'est un des plus grands moyens pour faire en sorte que les gens acceptent la vérité. Tandis que la méthode mauvaise, qui est violente et dure, c'est la plus dangereuse des méthodes pour pousser les gens à rejeter la vérité. Et il dit que c'est qu'est-ce qui ramène des désordres, des problèmes, de l'injustice, de la transgression et des conflits. Hein? Et il dit ensuite وَيُلْحَقُ بِهَذَا الْبَابِ مَا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنَ الْمُظَاهَرَاتِ التي قد تسبب شرا عظيما أو قد تسبب شرا عظيما على الدعاة فالمسيرات في الشوارع والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهرة فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واختيالهم. Donc le cheikh il explique, il dit qu'on peut ajouter à ça ou faire rentrer dans qu'est-ce qu'on vient de mentionner par rapport aux méthodes violentes et dures, le fait de voir ce que font certaines personnes aujourd'hui lorsqu'ils font des manifestations, et il dit que ça peut ramener un grand mal, hein, et quelque chose, des grands problèmes pour les du'ats, les gens qui appellent à l'islam. Il dit ce genre de manifestations et de démonstrations qui se passent dans les rues ne font pas partie de la bonne façon pour faire la réforme et pour appeler les gens à l'islam. Et il dit la bonne voie et la bonne façon, c'est par des visites, d'aller visiter les responsables, yani, de leur écrire avec une bonne manière, de lui faire une nasiha, hein, de leur faire un bon conseil. C'est pas comme certains ont fait, par exemple, dans certains pays, que ils veulent écrire une lettre aux dirigeants. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ils écrivent une lettre ouverte aux dirigeants dans un journal ou dans un magazine. C'est-à-dire que la lettre qu'ils veulent adresser aux dirigeants, ils l'adressent publiquement, devant tout le monde. Tout le monde peut lire ça dans le journal. Hein? Et la personne, elle critique. Ça, c'est contraire à l'islam. Ça, c'est contraire au manhaj des salaf al-salih. Et ça, c'était une des voies utilisées par les khawarij. Hein, de critiquer le dirigeant de façon publique. Soit sur le mimbar, ou soit sur un lieu public dans une assemblée. Ou bien à la télévision, ou bien dans le journal, comme ils le font maintenant parfois. Et il y avait le fondateur du groupe qu'on appelle Al-Adl wal-Ihsan au Maroc, Abdul Salam Yassine, qui est un soufi, qui a écrit une lettre ouverte au roi du Maroc pour le critiquer, puis yani, lui faire une nasiha. Et ça, c'est contraire à la voie des salaf al-salih, hein, et de faire des manifestations et des choses de ce genre. Donc le groupe qui s'appelle Al-Adl wal-Ihsan au Maroc ont opposé le manhaj des salaf al-salih dans cette méthode d'agir et dans cette façon de critiquer le pouvoir, parce que ils font des manifestations et ils appellent à participer à des manifestations, et également yani, en plus de ça, ils écrivent par exemple des lettres aux dirigeants dans les journaux ou de façon publique, et ça c'est contraire à la voie des salafs, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné dans un hadith authentique qui est rapporté dans As-Sunnah de Ibn Abi Asim, qui a été authentifié également par Sheikh Al-Albani, qui dit que si quelqu'un d'entre vous a une nasiha à donner à celui qui a le pouvoir, qu'il le prenne par la main et qu'il lui donne cette nasiha en privé, hein? Et s'il l'accepte, alhamdulillah. Mais s'il ne l'accepte pas, il a fait ce qui est obligatoire pour lui. C'est-à-dire que lorsque tu donnes la nasiha au dirigeant, tu la donnes pour Allah. Et tu l'as fait pour te disculper devant Allah et pour établir la preuve, pour qu'au jour de la résurrection, tu dis, moi j'ai fait ce qui était obligatoire pour moi. Maintenant, si lui, le dirigeant, il l'accepte, ta nasiha, alhamdulillah, ça c'est un bien pour lui et c'est un bien pour toi. Mais s'il ne l'accepte pas, eh bien, au moins tu as fait ce qui était obligatoire pour toi, hein, et dans ce cas-là, tu as plus de responsabilité par rapport à ça, puisque tu l'as fait, tu as fait ce qui était obligatoire. Et s'il ne l'accepte pas, eh bien, Allah va le juger au jour de la résurrection. Mais aujourd'hui, l'attitude des gens, c'est de dire, bon, moi, je donne une nasiha au dirigeant, s'il ne m'écoute pas, ça y est, on va sortir contre lui. On va prendre les armes contre lui, on va sortir dans la rue, on va le manifester contre lui pour le faire quitter le pouvoir et des choses de ce genre. Comme qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comme si le dirigeant, c'était pas lui qui est le dirigeant vraiment, mais c'est la rue, c'est la masse, c'est la foule. Hein? À quoi ça sert d'avoir un dirigeant si c'est pas lui qui décide, si c'est pas lui qui dirige, si c'est la rue qui décide à sa place? Chaque fois que lui il veut faire quelque chose puis que la rue est pas d'accord, la rue commence à sortir pour essayer de l'enlever du pouvoir puis ramener quelqu'un d'autre qui va être en accord avec ses désirs et ses passions. Donc ça, c'est pas la façon dont le pouvoir fonctionne en islam et dont la politique islamique, ça fonctionne pas de cette façon-là dans l'islam. Hein? Les musulmans ont obligation d'écouter et d'obéir aux dirigeants dans le bien tant que le dirigeant n'ordonne pas de faire un péché. Et s'il ordonne de faire un péché, eh bien, on ne l'obéit pas dans le péché en particulier, mais on continue de l'obéir dans le reste de ce qu'il ordonne de faire. Et on endure son mal et on lui donne la nasiha en privé et on essaie de corriger les choses pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un plus grand mal que le mal présent. Donc si par exemple, actuellement il y a un mal de la part de ce dirigeant-là dans le pays, il fait du désordre ou il fait du mal, et toi tu voudrais que ce mal-là s'en aille et qu'il soit diminué ou éliminé, eh bien tu dois suivre la voie et l'exemple du prophète sallam et des salafs, comment eux ils ont géré dans ces situations-là. Si tu vois qu'en faisant quelque chose ça va ramener un mal qui est plus grand, dans ce cas-là tu dois t'abstenir de le faire. Hein? Et ne pas créer plus de désordre. Comme par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique, illa antaraw kufran bawahan fihi min Allahi burhan. Excepté si vous voyez un kufr clair de la part d'un dirigeant, au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les ulama ont dit, dans ce cas-là, oui, c'est permis de sortir contre ce dirigeant-là, s'il a fait un kufr qui est clair. Et que les ulama ont dit, oui, il est kafir, sans aucun doute, il n'y a pas de doute, parce que ce kufr-là, on a une preuve venant d'Allah à son sujet. Et il l'a fait devant tout le monde, il n'y a personne qui doute là-dessus. Encore là, encore dans ce cas-là, les ulama ont mis des conditions. Et ils ont dit qu'il faut que tu sois certain que si tu vas enlever ce dirigeant-là pour le remplacer par quelqu'un d'autre, ça doit être quelqu'un qui va être meilleur que lui et qui va appliquer l'islam et la charia. Et il faut en plus que tu sois certain que ça ne va pas faire couler le sang des innocents, que ça ne va pas faire plus de désordre et plus de mal que qu'est-ce qui est déjà présent. Si ces conditions-là ne sont pas présentes, et si les musulmans ils n'ont pas la capacité de le faire, et que ça ne va pas créer quelque chose de meilleur, comme là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans les pays arabes, ils ont dit, ah, on a des dirigeants, ces dirigeants-là, ils n'appliquent pas l'islam, ou ils font de l'injustice, ou c'est pas tout le monde qui peut trouver du travail, ou c'est pas tout le monde qui peut manger, donc ça y est, on fait une révolution, on fait un coup d'État, ou on fait des démonstrations, on veut l'enlever du pouvoir, et après ça, tout va être mieux, tout va bien aller par la suite. Et qu'est-ce qu'on constate par la suite, c'est que ils ont fait le coup d'État, ou bien ils ont fait les manifestations, ils ont renversé le pouvoir, ils ont ramené un autre, ils pensent que lui, il va être meilleur, finalement il n'est pas meilleur, peut-être même qu'il est pire, et finalement il prétendait qu'il allait appliquer l'islam, finalement il a changé d'idée, il a dit non, je ne vais pas appliquer l'islam parce que vous ne voulez pas l'islam. Donc à quoi ça sert de faire tout ça alors que tu vas ramener quelque chose qui est pire? et qui va ramener plus de problèmes et qui ramène de l'instabilité dans les pays musulmans. Et l'instabilité politique, il n'y a rien de pire parce que ça ramène la fitna et ça ramène le désordre et ça ramène par la suite quoi? Ça ramène que les gens n'ont plus de sécurité. Tout le monde a peur pour ses biens, pour sa personne, pour son honneur. Il n'y a plus de justice établie. Hein? Et après, l'instabilité politique amène les koufars qui rentrent dans, qui s'ingèrent dans la politique des pays musulmans, puis qui commencent par la suite à avoir encore plus de pouvoir sur les musulmans et plus de contrôle sur les musulmans que ce qu'ils avaient auparavant. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'ils ont de l'instabilité, et là le peuple est divisé en deux, et donc ils manipulent des deux côtés, et puis après tu perds le contrôle. Tout ça parce que tu as opposé et contredit la méthodologie des salaf al-salih, et tu as opposé le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh dit la bonne voie, la bonne méthode, c'est de faire des visites. Si toi tu ne peux pas visiter le dirigeant, tu peux essayer de contacter ou de rentrer en contact avec quelqu'un qui peut rentrer en contact avec lui. Si tu ne peux pas lui écrire directement, tu parles avec quelqu'un qui est en dessous, qui peut lui faire parvenir ce conseil, et ainsi de suite. Tu vas donner la nasiha au dirigeant, au président, au chef d'État, ou bien au chef de la tribu, hein, de cette façon-là, ou ainsi de suite. Chef du village, le maire, et ainsi de suite. Mais pas par la violence, pas par les manifestations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à la Mecque. Hein? Il est resté 13 ans à Mecque. Il n'a jamais fait de manifestation, il n'a jamais fait de marche, hein, pour protester quoi que ce soit, et il n'a jamais menacé les gens de vouloir détruire leurs biens ou de vouloir faire des attentats contre eux, ou des commandos ou des attentats. Cheikh il dit wala shakka anna hadha al-uslub yadurru ad-da'wa wad-du'at wa yamna'u intisharaha wa yahmilu ar-ru'asa wal-kibar ala mu'adatiha wa mudaddatiha bikulli mumkin fahum yuridun al-khayr bi hadha al-uslub walakin yahsul bihi diddahu fayakunu ad-da'i ila Allah yasluku maslaka ar-rusul wa atba'ihim ولو طالت المدة أولى من عمل يضر الدعوة ويضايقها أو يقضي عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh il dit cette méthodologie, cette façon que les gens ont utilisé maintenant avec la violence, les attentats, les manifestations, la démocratie, toutes ces autres méthodes que les gens emploient aujourd'hui, hein, chez les hizbiyin, eh bien le cheikh il dit ça fait du tort à la da'wa, à l'islam. Et ça fait du tort aux du'at. Et ça empêche la propagation de l'islam par la suite. Parce que les dirigeants et les chefs d'État et les hauts placés vont être contre cette méthode-là, c'est normal. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'opposer par tous les moyens possibles. Hein? Et ils vont justifier ça par le fait qu'ils doivent arrêter et empêcher ces gens-là de faire le désordre sur la terre. Hein? Donc ça, c'est normal. Et c'est toujours ça qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie avec le fils? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont gagné au premier tour, ils étaient contents. Ils ont dit, ça y est, on va gagner. Le deuxième tour, hein, on les a interdits. On a rendu le parti illégal. Et tous les membres du parti ont été enfermés, emprisonnés. Alors là, ils ont dit, bon, ça y est, on allait gagner les élections, là, ils nous ont bloqués, on prend les armes. Et c'était le piège, en fait. Et là, après, les conséquences de ça, ça a été de faire reculer la da'wa des années et des années et des années en arrière. Hein? Même les fruits qu'on avait récoltés dans cette da'wa, hein, qui commençaient à sortir, même ce petit bien-là qui commençait à apparaître, même celui-là, il a commencé à disparaître. Il faut tout recommencer à zéro. Même à moins que zéro même. Allah musta'an. Hein? Et là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Ça pouvait se passer même à d'autres moments et à d'autres époques. Non. Ben, je parlais de l'Algérie, mais qu'est-ce qui se passe en, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? C'était passé en Égypte avant, à l'époque des frères musulmans, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb. C'est eux qui ont parti cette chose-là. Et après, ça s'est propagé dans d'autres pays, en Syrie. Hein? Qu'est-ce qui se passe en Syrie, là, maintenant? Ça s'était passé en Syrie déjà à l'époque du père de celui qui est président maintenant. Et lui, il a pas fait qu'est-ce que le fils est en train de faire. Il a été vraiment plus violent et vraiment plus tyrannique. Il a bombardé des villes au complet avec des avions, hein, sans pitié. Il a détruit des populations entières. Donc, c'est pour dire, toute cette méthodologie et cette tendance qui est apparue, de la part des Hizbiyyins, ça c'est le résultat d'avoir opposé et contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wah. Hein? De pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son objectif c'était pas de commencer à dire aux gens, bon, donnez-moi aller voir Quraysh, puis dire à Quraysh, et à Quraysh, donnez-moi le pouvoir. Je vais être le chef ici. Hein? C'est moi qui veux diriger la Mecque. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça? Même qu'au contraire, même les gens de Quraysh sont venus le voir pour lui demander d'arrêter sa da'wa. Et ils lui ont dit, on va te donner le pouvoir si tu veux le pouvoir, mais arrête ta da'wa. Il a dit, non, je vais continuer ma da'wa, je ne veux pas le pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir qu'il cherchait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut sauver les gens de l'enfer. Il veut sauver les gens du shirk. Parce que si tu as le pouvoir, mais que tu n'appelles pas au tawhid et tu ne condamnes pas le shirk, les gens vont peut-être avoir un semblant d'apparence de justice, mais ils restent quand même dans le kufr et dans le shirk. Regardez ici, par exemple, certaines personnes s'imaginent, ils disent, ouais, au Canada, les États-Unis, l'Europe, il y a de la justice, les gens ont leurs droits. Ok, peut-être que tu dis que dans certains aspects de ça, il y a certaines justices, hein, certains aspects de la justice, et encore là, c'est discutable. Hein. Mais est-ce que les gens sont sauvés du shirk? Et est-ce que le tawhid est là? Non. Hein? La base, c'est pas le tawhid. Les gens sont contre le tawhid. Et ils défendent le shirk. Et ils supportent le shirk. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un est éternellement en enfer? C'est le shirk. Donc, si tu vas corriger l'aspect matériel des gens, mais que tu vas les laisser sur le plan religieux, dans le kufr et dans le shirk, t'as rien fait. Hein, parce qu'au jour de la résurrection, ils arrivent et ils sont encore dans la menace de l'enfer. Donc, le cheikh, il dit, cette méthode qu'ils emploient, ce n'est pas une méthode qui amène le bien. C'est une méthode hein, qui s'oppose au bien et qui ramène que le contraire du bien. Et donc, cette personne-là qui veut faire la da'wah à Allah et inviter les gens à Allah, il doit emprunter la voie des messagers d'Allah. Et il doit les suivre, même si ça va prendre beaucoup de temps pour y arriver. Parce qu'une autre des erreurs des Hizbiyyins, c'est qu'ils veulent que le changement se fasse tout de suite et que le résultat soit tout de suite apparent. Donc, ils vont utiliser des raccourcis pour arriver à leurs objectifs et des raccourcis, des shortcuts. Hein, et ils pensent qu'en utilisant ces raccourcis-là, eh bien qu'ils vont établir l'islam plus vite. Mais en contredisant les messagers et la voix des messagers. Le cheikh, il dit non, ça ne marche pas. Tu dois suivre la voix des messagers et de ceux qui les ont suivis, même si ça va prendre plus de temps. Hein? C'est mieux que ça prenne du temps, hein, mais que tu sois correct, que de faire quelque chose qui va être rapide et qui va ramener plus de mal pour la da'wa et qui va rendre la da'wa difficile pour les gens. Hein? Maintenant, par exemple, hein, au Canada, alhamdoulilah, il n'y a pas eu d'attentat terroriste yani fait par ces gens-là, par les Khawarij, par exemple. Mais si jamais ils en faisaient une, tout ce que les musulmans ont connu maintenant de facilité par rapport à l'application de certains aspects de l'islam, tout ça va devenir 10 fois plus compliqué et difficile pour les musulmans. Parce qu'ils vont utiliser ces actes pour justifier par la suite les difficultés et empêcher les musulmans d'appliquer leur religion comme ils veulent. Et tout le monde va détester, tous les gens vont commencer à détester les musulmans et l'islam à cause de ça. Comme c'est arrivé aux États-Unis, comme c'est arrivé en Europe, comme c'est arrivé dans plein d'autres pays. Et ils ne détestent pas l'islam par rapport à l'islam. Ils vont détester l'islam par rapport à ces gens-là qui font ces actes qui sont en opposition avec la religion de l'islam. Et donc, on va être blâmé et attaqué et critiqué injustement à cause de l'acte, des actions des gens de l'égarement qui suivent ces tendances-là, qui suivent Ben Laden et qui suivent ces autres gens dans l'égarement. Et il y a encore plein de jeunes, tu les vois, ils écrivent des sites internet, ils font des sites internet pour défendre Ben Laden. Et ils traduisent des vidéos de Ben Laden et des gens de l'Al-Qaïda. Puis ils défendent ça, même aux États-Unis, en Europe, hein, en Belgique, en France, en Angleterre, même ici. Hein. Donc ces jeunes-là, hein, ils n'ont aucune connaissance, aucune compréhension de l'islam. Ils n'ont pas été étudiés avec les ulama. Hein, ils se sont basés sur des trucs qu'ils ont lus sur internet et ils se sont basés là-dessus par la suite pour faire le takfir des dirigeants et des ulama, puis après par la suite. Hein. Allah musta'an, qu'est-ce qu'on a vu apparaître maintenant? Et si tu vois par exemple, dans presque toutes les mosquées que tu vas aller par exemple, tu vas commencer à parler de l'Arabie Saoudite en bien, automatiquement. C'est comme si ils t'ont déjà regardé avec un drôle d'air. Hein, comment ça, celui-là, il parle bien de l'Arabie Saoudite? Parce que si quelqu'un parle en bien de l'Arabie Saoudite, c'est comme si c'est bien vu. Et quand il parle en mal de l'Arabie Saoudite, ah ouais, lui, il est bon. Pourquoi? Pourtant, c'est le seul pays musulman qui applique la charia à notre époque, qu'on le veuille ou non, et qui défend la aqida des salaf. Hein? Mais ils se basent sur des raisons politiques ou économiques. Ils vont dire, ah, mais ils ont des alliances politiques ou économiques avec des pays non musulmans comme les États-Unis. Hein, ils vendent du pétrole et des choses comme ça. Donc ça veut dire que ça justifie qu'on les attaque ou qu'on parle contre eux ou qu'on dise que ce sont des alliés des koufars ou des choses de ce genre. Parce que ce sont des gens qui ne connaissent rien de l'islam. De faire des alliances politiques ou économiques avec des koufars, ce n'est pas interdit. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il a fait des alliances politiques et économiques avec des juifs, avec des mouchriquins et avec d'autres koufars. Donc, yani, subhanallah, comment quelqu'un peut attaquer l'Arabie Saoudite pour des choses que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, hein, et il a justifié. Hein. Il s'est allié avec eux politiquement, économiquement, diplomatiquement, mais il rejette sa religion. Et il rejette le kufr et le shirk, hein, de sa religion. Sinon, ça s'arrête là. Hein? Alhamdulillah. Donc, il faut bien comprendre les choses comme il faut. Et pas mélanger les choses. Hein? Donc, eux, ils disent ça. Ils critiquent l'Arabie Saoudite de cette façon. Alors que tous les autres pays musulmans sont dans la même situation que l'Arabie Saoudite. Mais est-ce qu'ils pensent que les pays musulmans actuellement sont indépendants des grandes puissances européennes ou autres et que l'Arabie Saoudite va comme enchantement agir comme si elle était établie sur la Lune, qu'elle n'avait aucun contact avec les autres pays de la Terre? Il faut être quand même raisonnable et il faut en même temps aussi être intelligent et voir le bon sens. Malheureusement, des fois quand tu parles avec ces jeunes takfiriens et ces jeunes khawarij, on dirait qu'ils sont tellement entrés dans leur passion que même les choses les plus simples à comprendre, hein, de qu'est-ce qui se passe dans le monde, ils n'arrivent même plus à les comprendre. Ils ont dit, mais on est capable de faire le djihad contre les États-Unis. On est capable. Ah oui, t'es capable. Avec quoi, ta fourchette et ton couteau de cuisine, c'est comme ça? Non, mais c'est parce qu'ils ne réfléchissent pas, ces gens-là. Ils disent, oui, on est nombreux, on est ci, on est ça. Allah al-musta'an, nasallallahu ala afiya. Donc, la bonne façon, c'est de suivre l'exemple des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'était tiré du volume 38 de Majallat al-Buhuth al-Islamiyya, à la page 210. Cheikh bin Baz, il avait dit ça. Et il a dit également, إن اندفاع الشباب لا بد أن تسيره حكمة من الشيوخ ونظرة من تجاربهم وأفكارهم. Donc il dit que l'élan des jeunes quand ils s'avancent vers la da'wa ou dans l'islam, ça doit être orienté et géré par la sagesse des vieux shuyukh, hein, pour qu'ils observent et qu'ils donnent un regard par rapport à leur expérience, par rapport à leur pensée. Parce que les jeunes, en général, c'est comme ça. Les jeunes, ils sont fougueux, hein, ils veulent faire quelque chose, ils veulent être actifs, ils veulent bouger, ils veulent faire des actions pour l'islam. Mais ils ont peu de sagesse, peu d'expérience de la réalité de la vie. Donc ils pensent faire des choses de bien parfois, mais ils ne réfléchissent pas aux répercussions de ce qu'ils font. Alors, le Cheikh Ibn Baz, il dit, les jeunes doivent être orientés et dirigés par les shuyukh, hein, pour profiter de leur expérience et de leur pensée. Il dit ولا يستغني احد الطرفين عن الاخر, et les vieux ne peuvent pas non plus se passer d'eux, ne peuvent pas se passer des jeunes. Donc il dit le cheikh que les jeunes doivent profiter des vieux, de leur sagesse, de leur science, et les vieux doivent profiter aussi des jeunes, de leur force, de leur énergie, hein, de leur capacité. Donc le cheikh il dit on a, les deux peuvent pas se passer de l'autre. ولقد استمر الشباب المسلم في عطاء الخير المتجدد في الحروب الصليبية في الشام والأندلس وغيرها من المواقف التي يتصادم فيها الحق بالباطل حتى اليوم. Donc le cheikh il dit que les jeunes musulmans, ils ont continué à donner du bien, hein, et à faire que le bien se répète tout le temps à travers toutes les guerres islamiques qui sont produites à travers l'islam, comme les croisades, quand il y a eu les croisades en Palestine, en Syrie, hein, en Andalousie, hein, et ailleurs, c'est les jeunes, hein, qui ont participé dans ces batailles-là pour aider la cause de l'islam, et dans toutes les rencontres où il y avait un affrontement entre la vérité et le faux jusqu'à nos jours. Hein. فراضت تلك الحماسة أعداء الإسلام حيث سعوا إلى وضع العراقيل في طريقهم أو تغيير اتجاههم إما بفصلهم عن دينهم أو إيجاد هوة صحيقة بينهم وبين أولي العلم والرأي الصائب في أمتهم أو بإلساق الألقاب المنفرة منهم أو وصفهم بصفات ونعوت غير صحيحة تشويه سمعة من أنار الله بصائرهم في مجتمعاتهم. مجموع الفتاوى. Donc le cheikh il dit que cette énergie des jeunes qu'ils avaient pour défendre leur religion, elle a enragé les ennemis de l'islam. Hein? Et à cause de ça, ils ont tout fait pour essayer de fermer le chemin et la voie de ces jeunes-là pour qu'ils puissent pas avancer sur cette voie et pour qu'ils puissent pas défendre cette religion-là. Donc, ils ont essayé de faire changer leur orientation. Hein? Et là, on voit ces gens-là maintenant, c'est ça ce qu'ils font. Les koufars, ils encouragent, hein? Les khawarij. Il les encourage de diverses façons et même il les finance. Hein? Tous les khawarij dans le monde, la plupart dans les khawarij du monde entier, ils ont été financés et formés par, hein, les koufars. Et en même temps aussi, même ils sont parfois même entraînés par les koufars. Hein? Ils ont dit même à l'époque même que Ben Laden était avec la CIA. Il travaillait pour la CIA. Faisait partie de ces gens-là. Hein? Donc, c'est la même chose. Encore, qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres pays musulmans dernièrement? Ils ont même montré et prouvé que ceux qui entraînaient les gens qui voulaient faire des manifestations ou qui voulaient renverser leur gouvernement, ils étaient entraînés et formés par Il y avait des agents des kuffars qui leur montraient même comment utiliser les armes et qui leur fournissaient même les armes en question. Hein? Au nom de soi-disant la démocratie, la liberté, les droits de l'homme et je ne sais pas quoi d'autre encore. Donc tout ça c'est pour encourager ces jeunes à s'éloigner de la voie des salafs salih et à suivre la voie des kuffars et des gens de bid'ah. Après, ou bien de les éloigner complètement de leur religion. Par toutes sortes d'autres moyens, hein, les fitan shahawat, ou bien les shubuhat, ou bien en utilisant un moyen pour essayer de les séparer des ulama, des hommes de science. Donc ils essaient de créer un fossé entre les jeunes et les savants de l'islam. Et ça, on le voit clairement dans la méthodologie des gens de bid'ah et des khawarij takfiriyin. La première chose que les khawarij takfiriyin font, c'est d'essayer de faire tomber le respect des ulama dans le cœur des jeunes. Pour que les jeunes n'aient pas confiance en les ulama, et du moment que les jeunes n'ont plus confiance en les ulama, eh bien, eux, ils se mettent à la place des ulama. Hein? Parce qu'ils disent, bon, les ulama sont pas bons, donc c'est qui nos références maintenant? C'est nous, hein? C'est eux, c'est ces ignorants-là. Et donc, ils se mettent à la place des ulama alors que ce sont des ignorants. Également, lancer des sobriquets pour faire fuir les gens, hein, loin d'eux, hein, faire fuir les gens des gens qui suivent la sunna et qui sont sur l'islam, ou de les décrire par des descriptions ou des termes qui sont négatifs ou péjoratifs ou mauvais, qui vont faire fuir les gens et faire peur aux gens. Donc ça, c'est leur méthode qu'ils utilisent. Et tout ça, c'est pour faire donner une mauvaise image à la personne que Allah subhanahu wa ta'ala a éclairée et illuminée par la guidance dans les sociétés musulmanes. Donc ils vont les appeler des intégristes, des fondamentalistes, des islamistes, des radicaux, maintenant ils disent salafistes maintenant dans les médias. Hein? Au lieu d'appeler ceux qui font l'égarement par des termes qui les clarifient selon l'islam, ils vont pas dire ça puisque la plupart de ces gens-là sont pas des musulmans, les journalistes, les médias dans les pays des non-musulmans. Donc, ils utilisent des termes qui sont ambigus, équivoques et qui définissent rien. Hein, comme islamiste, intégriste et tout ça, ça en réalité ça dit pas grand chose. Et radicaux, musulmans radicaux. Le problème dans ces noms-là, c'est que ils ont pas de définition claire. Alors tu peux pas savoir qui est-ce qui rentre et qui est-ce qui rentre pas dans ce terme-là. Tu vas dire c'est quoi un islamiste? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait la prière 5 fois par jour, qui fait le jeûne du Ramadan, hein? Qui pratique la sunna, qui garde la barbe, le qamis, ça c'est un islamiste. Et ça commence où et ça s'arrête où? Hein? Peut-être qu'ils vont rentrer des éléments qui font partie de la sunna, qui font partie du Coran et de la sunna, et ils vont dire ça c'est de l'islamisme alors que ça fait partie de l'islam. Ou peut-être qu'ils vont, cibler certains éléments que eux considèrent comme faisant partie de l'islamisme, alors qu'en réalité, c'est pas contraire à l'islam. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui fait que c'est des termes ambigus, et malheureusement, il y a peu de gens qui clarifient ces choses-là. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, j'en ai parlé dans mon livre L'islam ou l'intégrisme. J'ai parlé un petit peu de ces choses-là, j'ai clarifié un peu de ça. Puis, sinon, il y a beaucoup d'autres clarifications qui ont été faites et j'ai essayé de traduire les paroles des ulama à ce sujet-là pour que les choses soient plus claires, mais il y a encore beaucoup de clarifications à faire, Inch'Allah. Donc, tout ça, le cheikh, il l'a dit pour nous faire comprendre le danger de ces méthodologies-là qui sont employées de la part de ces groupes et de ces individus. Et ça, c'est pour distinguer entre les gens qui suivent la voie des salafs et les gens qui suivent la voie des mubtadi'a. Et c'est pour ça que maintenant, si tu appelles au Coran et à la Sunna, à la compréhension des salafs, ils vont t'appeler des madakhila. Vous êtes des madakhila, vous êtes des jamiya. Hein? Vous suivez Cheikh Rabi' al-Madkhali et Cheikh Mohamed Aman al-Jami. Et qu'est-ce qui est étrange, c'est que Cheikh Ibn Baz, il a dit la même chose. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit la même chose. Cheikh Al-Albani a dit la même chose. Et tous les ulama salafis, ils ont dit la même chose. Même les imams des salafs qui sont nés depuis plus que 1000 ans, dans leur livre, ils disaient la même chose que ces ulama-là à propos des dirigeants, à propos de tous les autres aspects. Alors, pourquoi appeler les salafis aujourd'hui des madakhila alors que tous les ulama ont dit cette parole? C'est juste pour essayer de faire fuir les gens des ulama comme Cheikh Rabi' par exemple. Pourquoi? Parce que Cheikh Rabi' il a pris le temps à lire les livres de ces gens-là et de les étudier et de les réfuter dans les détails. Hein? Et c'est ça qui les dérange. Et c'est pour ça qu'ils veulent tout faire pour faire fuir les gens de ce cheikh. Et donc ils vont dire à leur sujet, c'est des agents du gouvernement, ils travaillent pour le gouvernement, c'est des agents secrets ou je sais pas quoi. Hein? Et ils vont dire qu'ils sont payés par ici et par là, et ainsi de suite. Tout ça, des fausses accusations sans preuve. Hein? Et surtout s'ils travaillent dans un pays musulman, même ceux qui les accusent là-bas, ils travaillent eux aussi pour le gouvernement. Donc pourquoi tu les critiques alors que toi aussi tu travailles pour le gouvernement? Tout le monde travaille pour le gouvernement. Hein? Alhamdulillah, puis c'est un gouvernement musulman, alors il n'y a pas de problème. Hein? Donc le cheikh il dit إذ إن هذه الأساليب, cheikh Zayd il continue maintenant, إن هذه الأساليب لا تخدم الإسلام ولا تدل على محاسنه وفضائله وإنما جعلت أعداؤه يتهمونه بالقسوة وكذبوا بل إن شأنه كما قال الله فيه وما جعل الله عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. Donc le cheikh il dit que ces méthodes là elles ne servent pas l'islam et elles n'indiquent pas les beaux aspects et les mérites de cette religion. Au contraire, elles ne font que mettre les ennemis de l'islam encore plus contre l'islam en l'accusant d'être dur. Et ils ont menti à ce sujet-là parce que, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de l'islam qu'il n'a mis aucune difficulté pour vous dans la religion. Hein, c'est la religion de votre père Abraham. Donc l'islam, c'est la religion d'Abraham. Et il dit « فَدَعْوَتُهُ شَرِيفَ وَمَقْصَدُهَا عَظِيمٌ » قال الله عز وجل ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أي إخراج وانتشال من ظلمات الجهل والضلال والشرك إلى نور الكتاب والسنة إلى نور الإيمان الحق ليس اغتيالا ولا تظاهرا ولا مسيرات ولا تفجيرات ولا غير ذلك مما نقرأ ونسمع مما هو موجود على الساحة في كثير من البلدان ردهم الله إلى منهج الدعوة إلى الله ردا جميلا. Donc, le cheikh il dit que c'est une da'wa, la da'wa de l'islam c'est une da'wa qui est noble, son objectif il est grand, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate Ibrahim le premier verset Alif Lam Ra, c'est un livre que nous avons fait descendre vers toi pour que tu fasses sortir les hommes des ténèbres vers la lumière. C'est-à-dire de les faire sortir des ténèbres de l'ignorance, de l'égarement, du shirk, vers la lumière du livre d'Allah, le Coran, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vers la lumière de la vraie foi. C'est pas des attentats, c'est pas des manifestations, des marches, des attentats, des explosions, faire sauter des bâtiments ou des voitures ou des choses comme ça, hein, ou autre parmi les choses qu'on entend ou qu'on lit actuellement qui est présent sur le terrain dans plusieurs pays, que Allah les ramène à la bonne voie de la da'wa d'une belle façon. Après le cheikh il dit وَلَيْسَ مِنْ مَقْصَدِ الْإِسْلَامِ وَدَعْوَةِ الْإِسْلَامِ اِغْتِيَالِ الْكُفَّارِ الْإِغْتِيَالَ الَّذِي لَا يُحَقِّقْ مَصَالِحِ وَإِنَّمَا يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ شَرٌ وَمَفَاسِدٍ. Donc le cheikh il dit que l'objectif de l'islam c'est d'appeler les gens à l'islam, hein? Et c'est pas de tuer les kuffars ou faire des attentats contre les kuffars qui ne ramènent aucun bienfait. Le cheikh il dit ça ne fait que ramener encore plus de mal et plus de méfaits. Et il dit wa in shi'tum دليلا على ذلك فدليل واحد يكفي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا في مكة متحملا كل ما يناله من أذى حتى وضعوا الأذى فوق ظهره وهو ساجد فآمن معه ما لا يقل عن 70 رجلا نذروا نفوسهم لله فلو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتحموا المهالك لاقتحموها ولكنه أمرهم أن يهاجروا إلى أرض الحبشة فالمدينة ليأمنوا على دينهم وأنفسهم حتى يأتي الله بالفرج وقد أتى الله به والحمد لله. Donc le cheikh il dit que si vous voulez une preuve de ce qu'on a dit, eh bien je vais vous donner une seule preuve et c'est suffisant pour prouver ça, que l'islam c'est c'est pas une religion qui appelle à tuer les koufars et à faire des attentats contre les koufars. Yani, le cheikh il dit, regardez l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était à Mecca, il a appelé les mouchriquins et les koufars en supportant leurs insultes, leurs offenses et tout le mal qu'ils lui ont fait. Et le cheikh il dit qu'ils lui ont même mis les nuisances sur son dos alors qu'il faisait la prosternation. Il était en train de prier. Ils ont pris un placenta de chameau et ils lui ont mis sur son dos alors qu'il était en train de prier. C'est quelque chose de dégoûtant, hein? Quelque chose de dégoûtant, c'est comme des tissus morts, d'un animal qui sent mauvais, probablement qu'il y avait des mouches, hein, avec ça, puis toutes sortes de saletés. Ils le prennent pendant qu'il est en train de faire la salade sur son dos et puis ils le mettent sur son dos. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enduré tout, les moqueries, les insultes, même les atteintes contre sa personne, contre son honneur. Et même parmi les sahaba, il y en a qui ont été tués, parmi les musulmans, comme la famille de Yasser et d'autres. Et à un moment donné, il y a eu des gens qui ont commencé à croire à l'islam, parmi les gens de Médine. 70 hommes qui ont accepté l'islam. Et ils ont fait un vœu à Allah subhanahu wa ta'ala de leur personne. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné d'aller attaquer ces koufars ou d'aller les tuer, eh bien, ils seraient partis et ils auraient obéi. Et ils auraient attaqué les koufars et tué les koufars. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné ça. Il leur a ordonné de partir en Éthiopie, faire la hijra. Puis ensuite, de faire la hijra à Médine. Et pourquoi? Pour qu'ils puissent préserver leur religion et préserver leur personne. Pour que par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala leur ramène la délivrance. Et qu'il les sauve. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cette délivrance par la suite. Donc, le cheikh dit, « فَلَوْ كَانَتَ الْإِرْتِيَالَاتِ مِنْ وَسَائِلِ الدَّعْوَى وَمِنْ غَايَاتِ الدَّعْوَى لَقَالَ لَهُمْ يَا مَعْشَرَ السَّبْعِينَ لِيَذْهَبْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ فَلْيَقْتُلْ وَاحِدًا مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ وما كان صناديد كفار قريش في ذاك الوقت يبلغون ذلك العدد لهم والبقية أتباع ولكن قال لهم هاجروا إلى الحبشة حتى يحكم الله وسيجعل الله لكم فرجا ومخرجا. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si les attentats et les meurtres faisaient partie des façons de l'islam pour faire la da'wah, eh bien et si c'était un des buts et des objectifs de la da'wah, il aurait dit, oh vous les 70, les 70 qui ont cru à l'islam les gens qui avaient accepté l'islam, eh bien il aurait dit, oh vous les 70, que chacun d'entre vous aille pour tuer un d'entre les koufars de Quraysh. Et à l'époque, le cheikh dit, à l'époque, les têtes de Quraysh, ils dépassaient pas ce nombre-là. Il dépassait pas 70. Les têtes des koufars parmi les gens de Quraysh, ils dépassaient pas 70. Les autres, c'est juste des adbar, c'est-à-dire ils font juste suivre. Ils suivent ces têtes. Mais ceux qui appellent les autres au kouf et qui les contrôlent dans le kouf, ce sont ces 70-là. Il aurait pu faire ça. Le professeur Sansa aurait pu faire ça comme un genre de commando, là, qui rentre dans les maisons la nuit pour assassiner les gens. Alors, Zoubillah, c'est pas ça le but de l'islam. Le cheikh, il a dit, il leur a pas dit ça. Il leur a dit, allez faire la hijra à Al-Habasha jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décide. Et Allah va vous donner une issue, et il va vous délivrer. Le cheikh, il dit, وَدَلِيلُ akhar أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم من أذى قومه وحزن حزنا شديدا فذهب إلى الطائف وقال فلم أستفقي إلا أنا بقرن الثعالب فرفعت بصري إلى السماء فناداني جبريل فسلم علي وقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وقال لي يا محمد إن هذا ملك الجبال يسلم عليك فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان عظيمان بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. Donc le cheikh il mentionne l'histoire que le prophète صلى الله عليه وسلم avait été vraiment affecté par le traitement de son peuple le Quraysh et il était vraiment attristé par leur comportement envers lui et il est parti à Taif, la ville de Taif. Et lorsqu'il est arrivé à la ville de Taif, yani, il s'est fait poursuivre par les enfants et les esclaves qui lui lançaient des pierres, hein, jusqu'à ce que même ses pieds ont été blessés même. Il était avec Zayd, hein, à l'époque, lorsqu'il est parti. Et lorsqu'il retournait, il s'est arrêté à un endroit qui s'appelle Qarn al-Tha'alib. On appelle aussi Qarn al-Manazil. Il s'est arrêté à cet endroit-là et il a entendu à ce moment-là, en levant ses yeux vers le ciel, il a entendu Jibril. Et Jibril lui a dit, il lui a fait le salam et il lui a dit, oh Muhammad, Allah a entendu la parole de ton peuple. Hein, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Et il m'a dit, oh Muhammad, ceci est l'ange des montagnes. C'est-à-dire, Jibril dit, ceci est l'ange des montagnes qui te donne le salam. Alors, l'ange de la montagne a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a fait le salam. Et il lui a dit, Allah a entendu la parole de ton peuple. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, comment ils t'ont répondu, et ainsi de suite, lorsque tu les as appelés à l'islam. Il a dit, si tu veux, je vais les écraser entre ces deux montagnes. Hein? Il a dit, l'ange a dit, si tu veux, je vais prendre ces deux montagnes et je vais les écraser entre ces deux montagnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non. C'est-à-dire, non, ne le fais pas. Parce que j'espère que Allah va faire sortir de la progéniture de ceux-là des gens qui vont adorer Allah et qui ne font pas de shirk avec lui. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est un hadith authentique. Donc, le cheikh, il dit, فَلَوْ قَالَ لَهُ أَطْبِقْ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ لَا أَمْسَوْ تَحْتَ السُّخُورِ وقرت عيون الموحدين ولكن لله حكمة والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب حكمة في دعوته لا يريد القتل والاستئصال وإنما يريد أن ينتشلهم من جحيم الكفر إلى جنة الحق والإيمان. Donc le cheikh ici, il avait dit oui, écrase-les entre les deux montagnes. Il se serait réveillé entre les rochers, écrasé. Et les yeux des gens du Tawhid auraient été réjouis par cela. Mais Allah, il a sa sagesse. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, détient également une sagesse dans sa da'wah. Et il ne veut pas tuer les gens, ou exterminer les gens, ou anéantir les gens. Il veut uniquement que ces gens-là soient sauvés de l'enfer, de la mécréance, vers le paradis de la vérité et de la foi. Hein? Donc c'est ça la da'wah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, si le but c'était juste d'exterminer le plus de kuffars possible, comme certains takfiriens, khawarij à notre époque s'imaginent que c'est ça le but de l'islam, que l'islam est venu sur terre c'est pour juste exterminer les kuffars et les tuer, yani Allahu al-musta'an. Surtout que certains d'entre eux qui sont des convertis, parmi ces takfiriens, khawarij qui sont des convertis, parce que les takfiriens ils ciblent en particulier les nouveaux convertis ou les jeunes qui commencent à pratiquer l'islam mais qui n'ont pas beaucoup d'ilm, eh bien il y a quelques années avant, ils étaient eux-mêmes des koufars. Hein? C'est-à-dire ils auraient dû être aussi exterminés par ces gens-là si c'était ça la méthodologie de l'islam. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam n'a rien à voir avec ça. Et le cheikh il dit « وَمَا حَصَلَ مِنْ مَعَارِكْ إِنَّمَا هِيَ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَنْشُرَ دِينَهُ فَمَنْ اَعْتَرَضَهُ وَصَارَ حِجْرًا وَعَثْرَةً فِي طَرِيقِهِ وَصَارَ عُقْبَةً مِنَ الْعَقَبَاتِ لِيَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ انْتِشَارِ دِينِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقَاتِلَهُ بِجُنُودِ اللَّهِ واشتركت ملائكة الرحمن مع أنصار الإسلام لأنهم لا يقدمون ولا يؤخرون إلا لا يقدمون ولا لا يقدمون ولا يؤخرون إلا بوحي من الله تبارك وتعالى وامتثالا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم لشيخ الزي كيف تعرفه comme bataille, comme combat, comme djihad. Par la suite, c'est uniquement par l'ordre d'Allah. C'est Allah qui a ordonné que sa religion soit propagée par la suite. Et quiconque venait opposer la propagation de l'islam ou venait créer un obstacle dans sa propagation qui faisait en sorte que il venait s'interposer entre yani, la propagation de l'islam et lui-même, donc entre les gens et la propagation de l'islam, il vient créer une barrière ou bloquer les gens, empêcher que l'islam entre dans les pays. Alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de combattre ceux qui faisaient cette barrière et qui empêchaient la da'wa de l'islam d'atteindre les gens par les armées d'Allah. Et même que les anges d'Allah ont participé dans cette défense de l'islam. Parce que ils ne font devancer rien, ils ne reculent rien, excepté par la révélation d'Allah. Et ils ont fait ça yani, en respectant et en mettant en application la parole d'Allah. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. Ne vous placez pas en avant d'Allah et de son messager. Et craignez Allah. Allah est certes audient et omniscient. Il entend tout et il sait tout. ولا تزال طائفة على الحق منصورة ينهجون منهج السلف الصالحين في الدعوة إلى الإسلام وشرح محاسنه وبيان فضائله والإسلام معجزة من المعجزات التي دعي إليه وشرحت محاسنه وبنيت فضائله على الوجه الصحيح أقبل الناس إلى الدخول فيه أفواجا وأفواجا. Donc le cheikh il dit, il y a toujours un groupe des musulmans qui va être victorieux sur la vérité et qui suivent la méthodologie des salaf al-salih, des pieux prédécesseurs, dans la façon d'appeler à l'islam, dans la façon d'expliquer les beaux aspects de l'islam, dans la façon d'expliquer les mérites de l'islam. Et l'islam en lui-même, c'est un miracle parmi les miracles. Lorsqu'on appelle à cette religion-là et qu'elle est expliquée dans ses plus beaux aspects et qu'elle est clarifiée dans ses mérites d'une façon correcte, les gens y entrent en groupe. Les gens y entrent en groupe. Et c'est quelque chose, quand Allah guide des peuples, c'est quelque chose que même toi, tu ne peux même pas comprendre. Tu vois comment des gens passent d'un état de kufr à un état de foi, et à un état d'égarement, à un état de guidance, d'une manière que tu ne peux même pas comprendre toi-même. Ce n'est pas toi qui guides les gens, ce n'est pas toi qui appelles les gens. En réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide les cœurs. Toi tu leur dis le message, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver par la suite avec cette personne. Est-ce que Allah va ouvrir son cœur ou non? Alors toi tu l'appelles à l'islam, tu lui fais la da'wa à l'islam aujourd'hui et tu le vois dans son état. Peut-être que dans 2-3 ans il va être mieux que toi, il va être plus pieux que toi, il va avoir plus de science que toi, et toi tu vas être assis, tu vas l'écouter en train de t'expliquer l'islam. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui il veut. Et il fait qu'est-ce qu'il veut avec ses serviteurs par sa grâce et par sa sagesse. Donc, ça c'est la grâce d'Allah. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. C'est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Donc le cheikh il dit أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا يُرِيدُ أَنْ يُنْشِئَ شَرِكَ مِنَ الشَّرِكَاتِ لَا يَفْتَحُهَا بِعَمَلٍ صَامِتٍ وَإِنَّمَا يَنْشُرْ لَهَا دِعَيَاتٍ وقد تكون دعايات غير صادقة وغير صحيحة في عمومها فيقبل الناس على تلك الشركة يقرؤون عنها في وسائل الإعلام ويسمعون عنها فيقبل الناس لأخذ طلباتهم وقضاء حاجاتهم فيربح التاجر ربحا وفيرا وهكذا الإسلام إذا وجد من أنصاره من يشرح محاسنه ويبين سره ويبين يسره عفوا نعم يبين يسره وسهولته وغايته الحميدة وغاياته الحميدة ومآلي أصحابه فإن الناس يرغبون في الخير بفطرتهم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى يصعد في السماء. Donc le cheikh il dit, si vous voyez que des gens, quelqu'un veut partir une compagnie, il va pas ouvrir sa compagnie en restant silencieux. Au contraire, il va faire de la publicité pour appeler les gens à son produit, à ses produits, à sa compagnie pour que les gens achètent de lui. Et ça se peut même que sa publicité soit même pas véridique. Peut-être que c'est même pas vrai qu'est-ce qu'il dit en général. Mais les gens viennent, ils entendent parler de cette compagnie, ils entendent parler de cette publicité dans les médias, et donc ils viennent, ils entendent parler de ça, et les gens se précipitent vers leurs produits, et ils prennent leurs besoins de cette compagnie-là, et le commerçant, il prend un grand profit, par la suite. Donc, c'est ainsi pour l'islam. Si on trouve des gens qui défendent cette religion et qui l'expliquent dans sa beauté et qui expliquent sa facilité, sa simplicité et ses buts et ses objectifs louables et nobles, et la conclusion de ses compagnons, de ceux qui la suivent, eh bien les gens vont aimer cet islam et vont vouloir rentrer dans cet islam parce que par leur fitra, les gens aiment le bien. Il n'y a personne qui aime le mal. Et tout le monde cherche le bien. Donc si tu leur expliques comme il faut le bien, ils vont l'accepter. Même les gens de l'égarement, au fond d'eux-mêmes, ils cherchent le bien. Et s'ils sont sincères, ils l'acceptent. Donc, le cheikh, il termine donc ce point-là en mentionnant le verset 125 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque veut, Allah subhanahu wa ta'ala veut le guider, il ouvre sa poitrine à l'islam. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut l'égarement pour lui, il rend sa poitrine étroite, et il la rend étroite et fermée, inconfortable, comme s'il était en train de s'élever dans les cieux. Comme s'il était en train de s'élever dans les cieux, il étouffe, quand il entend parler de l'islam. Et c'est la réalité. Tu vois, il y a des gens maintenant parmi les koufars, quand tu leur parles de l'islam, tu leur expliques les règles de l'islam, le tawhid, la sunna, les aspects de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, l'exemple des messagers et des prophètes, et toutes ces choses-là, tu les vois leurs yeux qui s'illuminent, et leur cœur qui s'ouvre, tellement ils sont contents, et ils confirment la vérité de ce qui est rapporté aux messagers. Et ils acceptent l'islam. Tu leur parles du hijab, tu leur parles de la barbe, tu leur parles des autres éléments qui font partie des éléments, qui sont des éléments de l'islam et de la sunna. Ils aiment ces choses-là, par leur nature, par leur fitra. Moi, je me rappelle même, ma mère, elle me disait, parce que quand je me suis converti à l'islam, en 91, 2 ans après, ma mère, elle s'est convertie à l'islam. Et je me rappelle qu'elle me disait tout le temps, quand j'étais, avant d'être musulmane, je voyais les femmes musulmanes avec le voile, et moi j'aimais ça, qu'est-ce qu'elles faisaient. Et j'aimais leur façon comment elles s'habillaient. Et j'avais envie moi aussi d'être comme ça. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est dans la fitra des hommes. C'est possible qu'il y a des gens, c'est le contraire. Eux, quand ils entendent parler de l'islam, au contraire, ils détestent ça. Et ça les dérange. Et ils voient le voile et ils sentent leur poitrine qui est écrasée. Ça les dérange. Hein? Vous entendez ça par exemple dans les médias. Qu'est-ce que les koufars disent à propos du hijab et de l'islam? Pourquoi? Parce qu'Allah, il guide qui il veut. Il égare qui il veut. Et la même information ne va pas avoir le même effet chez une personne et chez l'autre. Parce qu'il y en a qui aiment la vérité et qui aiment le bien. Et il y en a d'autres qui n'aiment pas la vérité et qui aiment le mal. Et donc, il ne faut pas essayer de changer le message de l'islam pour plaire à ceux qui aiment le mal. Parce que si tu fais ça, tu vas falsifier l'islam. Tu vas mentir sur Allah. Donc il y a des musulmans qui n'ont pas compris ça. C'est comme s'ils oublient qu'il y a une réalité. Qu'il y a des gens qui aiment le bien, qu'il y a des gens qui aiment le mal. Qu'il y a des gens qui ont une fitra qui est pure et il y a des gens qui ont une fitra qui est corrompue. Et que tu dois appeler tout le monde à l'islam et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide par la suite. Mais tu ne vas pas changer le message de l'islam pour les attirer. L'islam, il est déjà parfait par lui-même. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.